quel est l'intérêt, à part pour me tuer, de sortir ces bandes dessinées que c'est... En fait, on... Non, mais il fallait, à un moment donné, on l'a directé aussi. Il fallait oui, mais je, non, mais je ça, c'est votre faute, il fallait le dire avant. Tête de con cosmopolite, pour qui notre patrie est un Formule 1. Comment oses-tu couper la parole à l'Oberstumpfführer Yann Max? Ferme ta gueule, France Olivier, vieille palfringant bourgeoisie. Ce que tu racontes, Thierry Riquier, on n'en a rien à branler. Toujours sur les plateaux de télé, à raconter tes balours, à calomnier sur les fours, le vétivé au radour. Ferme ta gueule, France Olivier, vieux tapin judéo-centré. Quand touche ta gueule au studio Gabriel, le respect parent d'Israël. Israël est une terre juive depuis 3 millénaires, s'il vous plaît. Oui, depuis 3 millénaires. D'ailleurs, Israël s'appelait la Palestine, et les Juifs s'appelaient les Palestiniens avant le partage en 47-48. Le ventre est encore fécond d'où est sortie la bête immonde, et la bête immonde, elle est sortie là. Elle est sortie, on le sait très clairement en France, depuis le 16 février, depuis que Alain Finkielkraut s'est fait insulter.